téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Où t'es? Allô Stromae? Oui, je fais mon anniversaire dans une semaine et j'aimerais bien que tu chantes pour mes copines. Frédéric, est-ce que tu pourrais faire ça? Salut Blockbuster, salut Frédéric. J'ai vu que sur Twitter, Pierre Richard avait retweeté le fait qu'il y avait l'émission Blockbuster sur Pierre Richard. Franchement, ça veut dire que l'émission est arrivée à son paroxysme où la personne dont on parle en parle aussi. Franchement, je crois que Frédéric, tu peux mourir tranquille maintenant. Allô Frédéric, salut, c'est Lola. Bah, je voulais dire que j'étais trop fan de Stromae. Si je peux chanter avec lui un jour, je serais contente. Salut. Salut Frédéric. Bientôt pour mon anniv, si tu connais le jardin d'acclimatation, bah, j'aimerais bien que tu viennes chanter, s'il te plaît. Et si tu es en vacances, bah, je viens avec toi en vacances, ok? Yes. To be or not to be, not to be. J'ai lu un très bon article de Jérôme Lachasse, je vous le conseille, sur la baisse de fréquentation des salles de cinéma. Alors je vous la fais courte, prix des places, offres inadaptées, passe sanitaire, comédie française pas drôle, concurrence des plateformes et concurrence des jeux vidéo qui auraient mis, via leur mise en scène et leur interactivité, un coup de vieux au blockbuster. Eh bien je n'ai qu'une seule chose à dire, amen! Ça veut dire je suis d'accord en Christine Boutin. Les jeux vidéo ont réussi à créer tout un tas d'univers et de personnages qui existent aussi fort dans l'imaginaire collectif des joueurs que James Bond ou Dark Vador. Ellie et Joel, Kratos, Marcus Fenix, Sephiroth ou Kazuya. Alors évidemment, si vous n'avez jamais touché à un jeu vidéo de votre vie, là, je vous ai perdu. Mais moi, ça me fait pareil quand vous parlez de foot. Je vous promets, j'arrête de parler de jeux vidéo si vous arrêtez de parler de la Coupe du Monde au Qatar. J'ai réalisé que ça fait des années que je suis plus passionné par des jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer que par des films que j'ai vus. Alors à quoi bon ergoter pendant des heures sur la déliquescence de la franchise Star Wars ou la fin de Game of Thrones quand on peut jouer à Mass Effect ou Elden Ring? Les personnages sont mieux écrits, les environnements mieux réalisés, le jeu d'acteur et la mise en scène sont souvent plus impressionnants. Donc comment résoudre la crise du grand écran? Eh ben c'est simple! Installons des consoles en libre accès dans les salles de cinéma et laissons jouer le peuple sur grand écran! J'ai vu disparaître les salles d'arcade, je serais plus que ravi de les voir réapparaître dans des salles plus grandes. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés, ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. En 2007, le studio BioWare lance Mass Effect, premier du nom sur console Xbox 360. Un jeu vidéo de science-fiction à la narration ambitieuse où chaque décision influe sur la suite de l'histoire. Plus encore dans Mass Effect 2 et 3, le suivi narratif est accentué de telle sorte que chaque joueur qui incarne le héros du jeu, le commandant Shepard, aura eu l'impression d'avoir vécu sur trois jeux une aventure unique totalement écrite à l'aune de ses choix. Avec ses millions de jeux vendus mondialement sur plusieurs supports, la franchise Mass Effect est devenue une référence en matière de jeux de science-fiction, mais aussi d'expérience narrative. Et pour vous donner envie d'embarquer à bord de ce monument, j'ai à mes côtés Ariane Dumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes podcasteuse pour Cellulorama et blogueuse pour la niche pop. Absolument. Avec nous également Marion Bargiacki, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste jeux vidéo et on vous a d'ailleurs entendu ces 6 derniers mois brillamment sur France Inter animer la chronique La Faute aux jeux vidéo. C'est ça. Avec nous également Antoine Patrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur documentaliste et vous écrivez sur la pop culture dans votre temps libre. Et vous êtes également podcasteur chez Cellulurama. Tout à fait. Vous connaissez désormais l'équipage, en route pour vous raconter l'incroyable histoire de Mass Effect et du commandant Shepard. Ici le commandant Shepard. Nos ordres sont les suivants. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Je ne vais pas vous mentir, cette mission ne va pas être une partie de plaisir. Le massacre ne s'arrêtera pas aux colonies de la Travée. Saren ne va pas en rester là. Ses armées guettent ne se cantonneront pas aux limites de l'espace concilien. Voilà trop longtemps que notre race ne vit que pour elle-même. C'est l'heure d'agir et de nous battre pour cette galaxie. Nous allons leur montrer de quoi l'humanité est capable. C'était un extrait de Mass Effect numéro 1 avec Boris Rélinger qui interprète le commandant Shepard. Marion Barjaki, comment résumer Mass Effect ? C'est une lourde tâche. Ah oui, là, c'est voilà. Pas facile. Comment présenter Mass Effect pour quelqu'un qui n'aurait jamais, jamais joué à ce jeu ? Mass Effect, c'est Star Trek en mieux, parce qu'on est dedans. Voilà. C'est une grande épopée science-fiction sur 3 épisodes, donc un temps très long, où chaque choix que vous allez faire, tu l'as dit Frédéric, va influer sur la suite. Et on a vraiment l'impression d'avoir du poids. Il y a des tas de races différentes, il y a le Conseil Galactique, il y a ce système de relais cosmodésiques, cette technologie qui permet de voyager à des années-lumière très très rapidement, qui permettent en fait toutes les fantaisies de scénario. Et c'est finement écrit, le gameplay, la manière de jouer est très accessible, assez simplifiée justement pour des gens qui ne sont pas très jeux de rôle au départ. Donc c'est très très très axé grand public finalement, on se fait emporter par Mass Effect. Avec aussi une dimension géopolitique oui. Beaucoup plus appuyée que dans bien des jeux de SF. Oui, complètement. Alors, il y a tout ce système de conseils galactiques, ces différentes races terrestres, extraterrestres qui se disputent un petit peu le pouvoir, des zones d'influence, des recherches génétiques un peu space, voilà, un petit peu controversé dans certains systèmes du jeu, les systèmes solaires. Donc oui, il y a toute cette dimension politique qui est très très importante dans Mass Effect et qui permet d'intéresser un public très mature en fait. Ariane Dumont, comment s'est déroulée votre rencontre avec l'univers de Mass Effect et sur quel numéro ? Moi, je suis arrivée sur le dernier de la trilogie Mass Effect 3 au moment où il venait de sortir, donc en 2012. Et en fait, j'ai d'abord joué uniquement au troisième épisode et j'ai adoré. Et du coup, j'ai refait toute la trilogie, je pense, beaucoup trop de fois maintenant. mais du coup, en fait, c'est vrai que j'ai découvert le jeu sans arriver avec cette histoire des conséquences qui passent de Mass Effect 1 à Mass Effect 2, Mass Effect 3, etc. Oui, parce qu'il faut expliquer aux auditeurs, en fait, pour les gens qui avaient commencé avec Mass Effect 1, si jamais ils avaient gardé leur sauvegarde et créé leur personnage dans Mass Effect 1, dans Mass Effect 2, ils avaient la possibilité de reprendre exactement le même personnage et d'assumer les conséquences des choix qu'ils avaient fait dans le 1, puis dans le 2 et enfin dans le 3. Absolument, oui. C'est une des particularités de cette saga, hein, et c'est une des particularités aussi du studio BioWare qui est derrière la création de Mass Effect. C'est le fait que tous les choix qu'on fait vont avoir des conséquences sur l'intégralité du jeu. On a vraiment un pouvoir de vie et de mort sur les gens, sur certaines espèces même, et aucun choix n'est vraiment anodin. Et d'ailleurs, est-ce que c'était un garçon ou une fille que vous avez choisi ? Est-ce que c'est la question, ton Shepard, est-ce que c'était un garçon ou une fille ? Parce qu'on peut choisir le genre de son personnage de départ. On peut choisir, moi c'est une femme, il y a une fois où j'ai joué avec un homme et j'ai pas accroché, donc je reviens toujours à un Shepard féminin. Très bien. Antoine Patrel, votre rencontre avec Mass Effect, ça s'est déroulé comment ? Moi c'était un petit peu par hasard, j'étais étudiant et j'ai vu un pack de 3 jeux qui était à 30€. J'ai dit cool. Et je connaissais pas du tout. Et donc, du coup, j'ai commencé par Mass Effect 1. Et c'était incroyable. Et je me disais, mais pourquoi personne ne m'a parlé de ça? Et voilà. Et moi, ensuite, au niveau des choix, ils ont des vraies conséquences. Puisque je me souviens que, en parlant comme avec d'autres gens qui ont joué le jeu, ils me parlaient de Garrus dans le 3. Et je dis, mais moi, Garrus dans le 3, je ne l'ai pas eu. Parce que moi, il était je l'ai tué à la fin du 2. Oui, Garrus qui est un extraterrestre qui fait partie de votre équipe et dans le 2, il y a une mission très dangereuse qui conclut cet épisode et on peut voir certains personnages disparaître si on n'a pas fait les bons choix et du coup on se retrouve dans le 3 voilà. Sans lui. Sans Garrus, voilà. Mais moi, avant d'en parler avec d'autres gens, je pensais que c'était comme ça pour tout le monde, mais non. Oui, donc il y a vraiment cette idée aussi d'expérience très personnelle en fonction du joueur et en fonction de ses choix. Et on parlait du studio BioWare et en fait on disait que c'était une de leurs spécialités d'impliquer des choix comme ça. D'où vient ce studio ? C'est un studio canadien qui a été fondé au milieu des années 90, en 95 exactement, et qui a la particularité d'avoir été fondé par des médecins, par un duo de médecins. Enfin, ils avaient deux, trois compères à côté, mais qui ont vite quitté le navire. Et c'est en partie ce qui donne son nom au studio, d'ailleurs le bio au début du nom. Et ils sont notamment connus pour avoir fait des jeux Star Wars juste avant. Le fameux Knights of the Old Republic. KOTOR pour les intimes, qui a été un de leurs derniers jeux avant Mass Effect. Après ça, ils ont voulu justement se lancer sur des licences originales et ils ont développé en parallèle deux immenses sagas du RPG, Mass Effect du coup, et Dragon Age, qui pareil est un jeu avec plusieurs volets, avec des choix qui ont des conséquences, même si ça n'a pas la portée de Mass Effect en termes de façon dont ça va passer d'un volet à l'autre et dont on va incarner vraiment un personnage sur toute la saga. Marion Barjacky, justement, BioWare s'était plutôt jusqu'à maintenant distingué sur des jeux de PC parce qu'on était très proche d'une dimension de jeu de rôle. Voilà, c'était très Donjons et Dragons. Oui, très Donjons et Dragons. Ouais. Et avec Mass Effect, il y a cette envie d'en faire un jeu pour une console, la console Xbox. Donc, est-ce qu'il y avait aussi une volonté de se démocratiser, de devenir un peu plus, comme disent les spécialistes, casual, plus grand public ? Je veux pas m'avancer, mais on sent tout de même que oui, c'est axé grand public dans la narration, dans la manière dont les histoires sont écrites. Il y a un côté émerveillement qui est accessible tout de suite quand vous avez les premières scènes où vous voyez ces énormes vaisseaux arriver. Vous y êtes, vous êtes dedans, que vous ayez déjà joué à un jeu vidéo, que vous n'ayez jamais touché une manette, on est tout de suite pris. Et puis il y a énormément de lignes de dialogue aussi. Ça fourmille, c'est un jeu qui fourmille. Il y a des personnages non joueurs un peu partout avec lesquels vous pouvez interagir. Et on sent qu'il y a cette envie de faire découvrir un monde original au plus grand nombre, vraiment. On a encore beaucoup de bien à dire sur cette saga culte qu'est Mass Effect, mais on arrive à mon choix musical à moi. Et j'ai choisi Jamiroquai parce que j'ai 45 ans et que ça me rappelle ma jeunesse. Mais surtout parce qu'on n'a jamais assez de Jamiroquai dans sa vie. On écoute Deeper Underground. Humans with guns, but now it's too late. There's no escape from what they have done. We'll be right back. Jamiroquai avec Deeper Underground dans Blockbuster sur France Inter. C'est la matriarche Benetia ? Qui est-ce ? Les matriarches sont de puissants Dasari qui ont atteint la dernière phase de leur existence. Elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience. Ce sont nos guides, nos mentors. La matriarche Benetia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour sa reine. Moi, ce sont les moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous d'eux ? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des guettes. Les moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéens et ils ont disparu. Les guettes prennent les moissonneurs pour des dieux et sa reine pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Sa reine est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal ? Sa reine pense pouvoir faire revenir les moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous, sa reine voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible. C'est forcément impossible. Où sont partis les moissonneurs ? Pourquoi ont-ils disparu ? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace ? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de sa reine, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Un extrait de Mass Effect 1, vous avez entendu Tali qui est interprété par Françoise Escobar, David Anderson qui est interprété par Alain Choquet et Oudina qui est interprété par Thierry Mercier. Alors nous sommes en ligne avec Nicolas Demingue, bonjour. Bonjour. Vous écrivez sur les jeux vidéo depuis bientôt 20 ans et vous êtes notamment l'auteur du livre Mass Effect à la conquête des étoiles publié chez Third Edition en on peut dire aussi en français, en 2017. Et alors, j'ai envie de vous poser une première question. Qu'est-ce qui fait, selon vous, de Mass Effect un jeu tellement bon ? Alors, comme les autres l'ont dit un peu avant, c'est vrai que c'est assez unique, la particularité de Mass Effect, de proposer autant de choix aux joueurs qui s'étalent sur toute une trilogie. C'est quelque chose qui est tellement complexe que ça avait jamais été fait avant et personne l'a retenté depuis, parce que ça a été un casse-tête absolument monstrueux pour les développeurs. Et ce qui a aussi fait la force de Mass Effect, je pense, c'est qu'ils avaient passé énormément de temps à développer l'univers avant même de commencer la production du jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent tout de suite. Parce que personnellement, moi, j'avais commencé à m'intéresser aux jeux de BioWare quand ils avaient fait leur jeu Star Wars. Et après ce jeu, quand je les ai entendus dire qu'ils voulaient plus travailler sur Star Wars et faire quelque chose d'original, je m'étais dit ils sont complètement fous. Ils ont la chance de travailler sur Star Wars. Je vois pas ce qu'ils pourraient faire d'aussi intéressant. Et finalement, ils m'ont bien donné tort parce que ça m'a un peu donné l'impression en fait que Mass Effect c'était une série dont on avait besoin sans même savoir qu'on en avait besoin en fait. C'est-à-dire que c'est des grandes franchises de science-fiction, il y en a depuis longtemps, mais des nouvelles avec un univers aussi riche, il y en avait pas eu quand même depuis un certain temps, et c'est la première fois qu'il y en a eu une comme ça dans le milieu du jeu vidéo, qui était vraiment pensée pour le jeu vidéo, et ça l'a rendu vraiment totalement unique dans le paysage vidéoludique. Et dans votre livre, vous parlez d'immersion totale du joueur à travers ses choix. Pourquoi vous avez défini le principe de Mass Effect ainsi ? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de différences. Enfin, il y a vraiment pas deux personnes qui font la même partie, et c'est vrai que c'est une chose de pouvoir avoir un univers aussi développé, mais pouvoir un peu le façonner de la manière qu'on préfère, ça apporte quelque chose d'unique, parce que le personnage qu'on joue, qui est un être humain a des relations avec plein de peuples différents. Et vraiment pouvoir les tirer dans la direction qui pour nous est la plus juste, c'est quelque chose qui rend ça vraiment à part, quoi. Et on s'adresse à des auditeurs qui n'ont pas forcément même une vision précise de ce qu'est Mass Effect en termes d'influence. C'est quoi les influences de ce jeu ? Alors, ils ont vraiment... Mass Effect, c'est un peu la synthèse de presque tout ce qui s'est fait en matière de science-fiction au cours du XXe siècle. C'est-à-dire qu'ils se sont inspirés à la fois de films, de séries, mais aussi de littérature. Dans Mass Effect, on trouve du Blade Runner, on trouve beaucoup de Asimov, on trouve des choses auxquelles on penserait pas forcément au départ, comme Lovecraft. Il y a énormément d'influences lovecraftiennes dans Mass Effect. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à s'élever un peu au-delà de ça et à faire quelque chose de nouveau et qui se détache vraiment de toutes les influences qui sont venues avant. Et il y a aussi, d'un point de vue architectural, il y a quelque chose à dire sur la conception des cités dans l'univers de Mass Effect. C'est ça, ouais. Ils se sont inspirés de beaucoup d'architectes différents et de peintres aussi, ce qui rend ça assez intéressant aussi, c'est qu'ils ont développé non seulement l'écriture, l'histoire, la culture des différentes espèces, mais ils leur ont aussi donné une architecture différente qui reflète justement la culture de chacune d'entre elles, et on peut avoir des idées sur leur culture simplement en regardant l'architecture des décors. Et c'est une des choses qui parce renforce. Qu'il y a notamment les Asari, les Krogan, les Krogan, c'est un peuple très belliqueux, qui sont un petit peu d'ailleurs l'espèce la plus mal vue de l'univers. Hein. C'est ça. Et c'est une des choses que je trouve passionnante dans Mass Effect, parce que on nous présente des choses au départ qui forcément vont créer des préjugés. Comme vous dites, les Krogan, c'est vraiment une espèce très très brutale et guerrière. Et au fur et à mesure, en discutant avec eux et en observant leur culture, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Et notamment quand on voit certains lieux de leur planète d'origine qui a été quasiment totalement rasé, on voit qu'ils avaient une forme de beauté dans leur architecture qui nous fait comprendre que c'est pas simplement un peuple de brutes meurtrières et qu'il y a quelque chose de plus complexe derrière. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Demingue pour ces éclaircissements, et j'invite vraiment les auditeurs à se procurer votre livre qui est bien plus dense et bien plus complet qu'on ne peut le faire en 3 minutes, hein, Mass Effect à la conquête des étoiles, publié chez Third Edition. Vraiment, c'est un livre excellent, et je vous invite à d'abord découvrir le jeu et ensuite vous plonger dans ce livre. C'est vraiment, une sorte d'association idéale, et je vous remercie au nom des joueurs qui ont pu y jouer et le lire. Bah, je vous remercie aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. J'aimerais vous poser une question encore concernant l'analyse globale de la saga. Selon vous, Antoine Patrel, on va commencer par vous. Quelle analyse on peut tirer de la franchise, de la trilogie Mass Effect ? On parlera d'Andromeda le quatrième après, mais dans un deuxième temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de la saga de la Mass Effect ? Trilogie. Sur la trilogie, la trilogie, elle est vraiment exemplaire, je trouve, surtout en termes de construction d'univers. C'est-à-dire que dès le premier, tout est là. Il y a des surprises après dans les opus précédents. Mais il y a une telle fluidité pour nous faire connaître plein d'infos sur toutes les différentes races. Alors ça passe par le dialogue, ça passe aussi par le codex. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un dialogue avec donc un personnage, on peut ouvrir le menu, il y a du texte qui explique donc des détails sur tout l'univers. Et cette facilité-là, je trouve que c'est ça qui fait la force de cette saga. Marion Bargeraki. La force de cette saga, c'est la liberté qu'on ressent, en fait. Il y a aussi tout un côté exploration, où on prend notre vaisseau pour aller sur des planètes, sonder pour trouver des ressources. On se sent... Voilà, libre d'aller où on veut, de parler à qui on veut, de faire les choix qu'on veut. Et je pense aussi que c'est la faiblesse dans le dernier épisode. On nous laisse trop de choix à la fin. Ça a été très clivant au sein de la communauté de fans. Je pense qu'il y a eu un petit souci, un mauvais choix de la part de l'équipe de développement. On peut choisir encore à la fin ce qui se passe, et on ne devrait pas choisir. Parce qu'on a tellement choisi pendant 3 épisodes auparavant, qu'on devrait avoir une répercussion beaucoup plus nette de tout ce qu'on a fait avant. Mais ce sentiment de liberté, il est incroyable. Et c'est ce que le cinéma ne peut pas offrir. Ariane Dumont ? Je suis d'accord avec Marion dans la continuité de ce qu'elle dit sur la liberté. Effectivement, on a quand même affaire à une saga qui ne prend jamais le joueur par la main et qui ne veut pas lui donner les clés, qui parfois a de très grandes thématiques et de très grandes questions, qui n'a pas peur de confronter son joueur à des décisions qui sont vraiment morales et éthiques, mais qui ne lui dit jamais vraiment quoi faire et qui lui apprend que, bah, comme on l'a dit, tous les choix qu'il va faire ont des conséquences. Et bon, on l'a dit, c'est le genre d'aventure qui, honnêtement, est assez unique dans Mass Effect, c'est-à-dire que d'autres comme ça dans le jeu vidéo, il n'y en a pas, même chez BioWare, même ailleurs dans le RPG, aucune n'a réussi à avoir cette portée-là. Et aussi, une dimension qu'on n'a pas encore abordée, c'est la dimension sentimentale. On a une liberté d'aller où on veut, mais on a aussi la liberté d'aller avec qui on veut, et notamment, enfin moi dans ma partie, avec les personnes du sexe qu'on veut. C'est-à-dire que ça peut être des relations homosexuelles, même... entre espèces, parce qu'il y a des extraterrestres avec des humains, il y a vraiment une idée de dessiner la partie et les relations qu'on a envie, et c'est assez nouveau, surtout dans un monde du jeu vidéo qui est quand même très corseté et encore assez genré. C'est vrai que pour la représentation, ne serait-ce que des relations homosexuelles dans le jeu vidéo, ça avait créé un séisme à l'époque. Hein. Il y avait eu, pas de la censure, mais le jeu était 18+, si je me souviens bien, parce qu'il y avait des scènes explicites, alors sans être évidemment pornographique, hein, on est dans un jeu vidéo grand public, on l'a dit tout de même. Mais il y avait cette représentation de l'amour libre, finalement, aussi. C'est aussi ce côté liberté, on pouvait discuter avec qui on voulait. Alors selon si on avait choisi un avatar féminin ou masculin, on avait des choix différents, mais on avait quasiment autant de choix et autant de combinaisons possibles. Et nos amours se suivaient aussi du 1 au 2 au 3. Il fallait faire très attention à ce qu'on faisait si on voulait ne serait-ce que garder son partenaire en vie. Chers passagers de Blockbuster, notre équipage a l'honneur de vous informer que nous survolons actuellement la playlist France Inter. Si vous regardez sur votre droite par le hublot, vous pourrez admirer l'homme pâle qui nous interprète T. Fil coupé pendu sous le combiné. Rome, clope, rancune, j'ai tout combiné. Le sang qui bout comme une marmelade. Faut être un sacré con pour me dire relax. Dites à mon destin de mordre le tir. Oh, je vais lui refaire la gueule au fer 7. Rien n'est dans le bon ordre, faut tout inverser. On fête mon départ, pas mon anniversaire. Le ciel est triste, que du gris dans la ville. Envie de prendre un acide et tout colorier. Qu'est-ce qu'on s'emmerde, ah ouais c'est plus comme avant. La ville lumière se repose sur ses lauriers. Discret casquette, baissée sur la cabeça. Le ciel devient bleu, mais je peux regarder que mes sables. Prends plus d'appels, je lis plus aucun message. Être has-been, ça rend naïf. Bah ouais, je pouvais qu'aimer ça. Personne ne le comprendra, personne. Je suis le mauvais ordre en personne. Je me sens moi-même comme personne. Fallait que je tombe sur cette ville. 8 milliards d'autres chemins. Fallait que je tombe sur cette vie. Et je sais qu'on est fait pour s'aimer. Mais j'ai quand même peur de passer à côté de mieux. Y'a jamais assez de miel sur le MCMN. Faut que je profite, c'est le dernier samedi de la semaine. Faut que je profite, c'est le dernier samedi de la semaine. En sourdine, contrôle de soi 1 sur 10. Retiens le monstre à l'intérieur, repousse la date de sortie. Je ressemble tellement à ce monde, j'ai les névroses assorties. Envie de planter quelques tomates et de faire du son sans ordi. Fil coupé, pendu sous le combiné. Rome, clope, rancune, j'ai tout combiné. Le sang qui bout comme une marmelade. Faut être un sacré con pour me dire relax. Dites à mon destin de mordre le tigre. l'homme pâle qui nous a interprété T. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Vous avez changé cette planète, mais ça va pas être facile pour autant. On va tirer profit de tout le travail de ceux qui sont venus avant nous. C'était des gens bien, tous sans exception. Ça aurait été un honneur de mourir à leur côté. Inutile de ressasser le passé. Il faut continuer de construire. Continuer, vous êtes optimiste. Il faudrait déjà commencer. Nous ne devons plus survivre, nous devons vivre. Au fait, pionnier, ça, c'est pour vous. C'est notre drapeau. Accrochez-le sur le Nexus, que tout le monde le voit. Il a été planté dans le sol de notre premier avant-poste d'Andromède. Ça rendra tout ça plus concret. Un extrait de Mass Effect Andromeda, et vous venez d'entendre Alexandre Astier, oui, le roi Arthur, qui interprète le lieutenant Auguste Bradley. Voilà, donc moi je m'attendais à chaque instant de dire « vous êtes complètement con », et non en fait, mais c'est bien Alexandre Astier qui joue dans Mass Effect Andromeda. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière pour vous poser des questions personnelles, vous, personnelles par rapport au jeu bien entendu, avec qui avez-vous créé une relation amicale, amoureuse dans Mass Effect ? Mario Barjaki. Alors j'ai commencé par tâtonner avec un petit peu tout le monde parce que l'air de rien ça permet de savoir. non mais je veux dire, on c'est découvre. C'est le Tinder de l'espace. C'est un petit peu ça, voilà. On swipe, on va à droite ou à gauche, bref. Mais ça permet en fait de découvrir plus en profondeur chaque personnage. Mais il y a toujours ce petit moment où on sent que ça bascule. Et moi, évidemment, je me suis rapprochée de Tan Krios, qui est un extraterrestre qui a une grave maladie. Donc j'ai compris que j'avais un problème de syndrome de l'infirmière en jouant à Mass Effect. Voilà, je prends toujours les choix où les gens ont besoin de quelque chose, ont besoin de moi. Ah, c'est le côté être dans le care. C'est ça, je suis dans le care. Ouais, c'est beau, c'est tout à votre honneur. Ariane Dumont ? J'ai tâtonné un peu aussi, mais globalement, je reviens quand même très souvent vers l'équipier humain, même si, pareil, j'ai un peu tâtonné du côté des extraterrestres, et notamment de Garrus, qui clairement n'est pas... Enfin, c'est pas une option en roman, c'est comme coucher avec mon frère, donc ce n'est pas possible. Ils le font dans Game of Thrones. J'imagine l'auditeur qui ne connaît absolument pas le jeu, il dit « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ?» Alors, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que Garrus a une communauté de fans qui est absolument hallucinante. Les gens me disent « Oui, mais Garrus est le meilleur personnage de l'équipage. » Donc, est-ce que vous pouvez dire qui est Garrus ? C'est un des coéquipiers de Shepard. C'est un des potentiels coéquipiers de Shepard, puisqu'on peut ne jamais l'inviter à rejoindre le vaisseau dans Mass Effect 1. Et c'est vraiment un de ceux qui va le suivre pendant tous les jeux, dans la totalité des jeux, si on l'invite et s'il ne meurt pas en route. Mais c'est pas le cas de tous les coéquipiers. Donc c'est vrai qu'il a quand même cette importance là par rapport aux autres. Et c'est un Turien. C'est un Turien. Donc c'est un extraterrestre qui ressemble un peu à une espèce de grand lézard. Avec une armure bleue, un viseur. Exactement, c'est un sniper. Voilà, un sniper. C'est-à-dire qu'il a vraiment tous les stigmates du personnage. On le disait hors antenne, mais on sent que les concepteurs donnent un petit coup de coude. Il est vachement bien ce personnage. Non, t'as pas envie qu'il soit dans ton équipage. T'as vu, il est classe quand même. C'est pour ça que moi, directement, je dis non, toi tu ressembles trop au premier de la classe. Moi je veux m'intéresser au cancre. Donc Vrex, le Krogan. Qui est une sorte de grosse brute tortue. Avec une grosse voix comme ça. Avec une grosse voix comme ça, un peu bourru, lui il demande qu'à être aimé. Oui, il a un côté nounours quand même, derrière son armure. Antoine Patrel ? Oui, pour revenir sur Garrus, ce qui est aussi intéressant, je pense, c'est que c'est un Turien. Et en fait, il y a eu un conflit entre les humains et puis les Turiens. Et donc, je pense que l'amitié entre Garrus et Shepard, c'est un peu la symbolique de la paix qui existe maintenant entre ces deux peuples dans la série. Tout à fait. Le dernier jeu Mass Effect à être sorti s'intitule Mass Effect Andromeda. Et ce jeu, voyez-vous, il y a des gens, ils ne l'aiment pas. Je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. C'est un jeu qui est chiant, qui dure à peu près 15 heures. Vous n'avez absolument rien de particulièrement fameux à vous mettre sous la dent, si c'est cette idée qu'il faut répeupler la galaxie avec des petits humains. Il me donne mal au crâne tellement il est mauvais. C'est incroyable. L'émission se compose principalement de sections en cover shooting qui, alors pour le coup, sont pas bien du tout. Donc se mettre à couvert en dirigeant le stick vers le muret, avant que le personnage refuse de mettre en joue une fois sur cinq car on n'a pas le bon angle, l'impossibilité de passer d'une couverture à l'autre, de passer par-dessus les murets, rester parfois collé car aucun bouton n'est assigné pour sortir de couverture, jouer à ça en 2021, c'est assez horrible, en fait. Et c'est mauvais, tout simplement. Les doublages sont extrêmement inégaux. Addison, notamment, qui... Là, si ça n'est pas un cyborg ou un robot, c'est très certainement le plus mauvais doublage que j'ai entendu depuis des années. C'est absolument affreux. La version française, c'est une chure comme est vraiment de ce personnage. Là, c'est horrible. Elle vous fait des trucs du genre « Où est passé votre père ? Parce qu'il est mort ? Parce que je ne sais pas où je dois aller ?» Mais vraiment, elle parle comme une espèce de sale robot, mais nul, quoi. Bref. Bah, c'est pas très fun de jouer à Mass Effect. D'autant que l'IA globale est ridicule. Entre les ennemis qui se cachent du mauvais côté, courent contre les murs, ou alors parfois, s'arrêtent de vivre en plein milieu d'une action et restent plantés là comme des statues. Mais nos alliés qui ne sont guère mieux lotis, jouer à Mass Effect a quelque chose d'éreintant. Un mauvais moment à penser. Ce qui me fait rire, c'est que quand on passe des extraits du Masque et la Plume, par exemple, souvent les gens me disent oh, « ils sont durs, les critiques ciné quand même, ils sont extrêmement durs. » Mais vous ne connaissez pas les critiques de jeux vidéo. C'est une violence sans nom. On est pire. Ah bah, c'est sans les gants, point américain, on y va. Là, il y a des gens qui étaient au bout de leur vie avec ce jeu. Donc, est-ce que c'est mérité, Ariane Dumont? Moi, j'aime bien réhabiliter Andromeda, essayer de réhabiliter en partie Andromeda, on va dire. Effectivement, c'est un jeu qui n'a pas le niveau de la trilogie d'avant et qui, à sa sortie, était très buggé. Il faut dire qu'il a été développé par un studio qui n'avait pas l'habitude de développer un grand jeu comme ça. Ils avaient bossé sur des cinématiques avant, donc ils n'étaient pas... Voilà, ils n'étaient pas à ce niveau-là. Mais ensuite, la plupart des bugs ont quand même été fixés. Moi, j'y ai rejoué cette année au jeu et j'étais contente de réussir à le finir pour la première fois parce que je l'avais déjà commencé et jamais terminé. Son problème, c'est surtout un manque d'ambition, je pense. Il n'est pas allé aussi loin qu'il aurait pu aller. Il a des côtés un peu répétitifs quand même. C'est-à-dire qu'on fait un peu quand même 25 fois la même mission pour fertiliser une nouvelle planète. Mais globalement, je trouve que les gens étaient trop durs avec ce jeu, ou en tout cas sont aujourd'hui trop durs avec ce jeu. Mais c'est d'ailleurs quelque chose qui revient assez souvent sur beaucoup de jeux. Effectivement, il y a une grosse pression commerciale pour sortir des nouvelles franchises, pour que les jeux sortent des fois quand ils n'ont pas encore eu le temps d'être testés, vérifiés, patchés, etc. Et directement, c'est une mauvaise presse, bad buzz, comme on l'appelle pendant quelques mois. Et des fois, les jeux ne s'en remettent pas, alors que pourtant, quand les correctifs sont arrivés, des jeux peuvent être sauvés. Donc, il y a un côté impatient chez le joueur et un peu intransigeant qui est dur. Mass Effect Andromeda, Marion Barjaki. Eh bien moi, je vais l'avouer, je n'y ai pas joué justement, découragée par toutes ces critiques. Impressions. Ah non, pas d'impression du tout. Mais effectivement, moi, je suis restée sur ces critiques négatives. Je me souviens des captures du jeu à l'époque avec des visages qui n'apparaissaient pas ou qui étaient complètement déformés. Enfin, je me suis dit, il y a tellement de jeux qui sortent. En fait, c'est ça aussi, tellement de productions de qualité qui sortent que je me suis dit que j'allais pas perdre mon temps. Voilà. Antoine, alors moi je l'ai pas terminé du coup, mais je dirais que mon plus grand regret, surtout en termes de thème, parce que Mass Effect ça parle donc de racisme, enfin il y a un plein de thématiques, et Andromeda je suis pas sûr de savoir ce que ça raconte, alors que c'est quand même histoire, donc c'est des colons qui vont dans une nouvelle galaxie, donc il y avait peut-être moyen de faire passer quelques messages, mais alors peut-être que c'est dans la partie auquel j'ai pas joué, mais en tout cas je l'ai pas vraiment ressenti, et c'est plutôt ce manque de personnalité qui m'a le plus déçu. Mais là, on a parlé d'Andromeda. Néanmoins, les trois premiers Mass Effect n'ont pas été exempts de critiques. Il y a eu pas mal de polémiques. Il y a notamment pour Mass Effect 1, le Mako, qui est le véhicule de sortie extraterrestre à moteur. Voilà, une sorte de buggy. Que c'était quand même pas l'éclate de conduire le Mako sur les planètes dans Mass Effect 1. C'était une plaie, vraiment. On est d'accord. Oui. Moi, j'étais beaucoup sur le toit. Je pense que j'étais plus sur le toit que sur les roues. Oui, et alors quand on pense qu'on est censé être une unité d'exploration et qu'on a cet outil, on se dit que les gens du conseil nous détestaient pour nous donner un équipement aussi mal foutu. C'est ça. C'était vraiment terrible. Et puis dans Mass Effect 2, il y a évidemment, on ne peut pas passer ça sous silence, l'hypersexualisation de Miranda. qui était interprétée, et qui l'est toujours d'ailleurs, par Yvonne Strahovski, l'actrice que vous connaissez peut-être de Chuck, ou plus récemment de La Servante Écarlate, et qui a servi de modèle de référence pour ce personnage-là. Et en fait, dans tous les, on peut en parler peut-être, Marion, oui, de la manière dont elle était cadrée. Bah, disons qu'elle était cadrée pas souvent au-dessus de la ceinture, ou alors entre la tête et la ceinture, quoi. Mais c'était surtout ses fesses qui, oui, intéressaient beaucoup les designers du jeu, je pense. Oui. Donc on la voyait marcher, mais jamais de plein pied. Voilà, par exemple, on la voyait. Elle avait une démarche aussi très particulière. Enfin, oui, voilà, elle marchait pas très droit. Bon, après, elle avait été logiquement conçue pour être une sorte de pinacle de l'humanité, donc peut-être que, mais il y avait quelque chose d'extrêmement gratuit. C'était un petit peu gênant, j'avoue, oui, que. Oui, oui. Et d'ailleurs, dans la version remasterisée, ils ont un petit peu corrigé ça. Ils ont corrigé les angles de vue. Et d'ailleurs, ça avait fait hurler toute une communauté de joueurs qui étaient très très, oui, attachés. C'est les woke bien pensants. Exactement, mais très attachés à cette démarche, comme quoi des fois la vie ça tient à pas grand chose. À pas grand chose. Alors, on va continuer à parler, évidemment, de Mass Effect, mais pour le moment, on écoute Sharon Van Etten avec Anything. Sharon Van Etten avec Anything. Quel est le premier ordre donné par un commandant de l'Alliance au début d'un combat? Je sais pas. Exact. Très bien, mon vieux. Comment savoir qu'un Turien est à court de munitions? Il utilise son balai dans le cul comme arme de secours. Pourquoi l'Alliance engage des pilotes avec des eaux de verre? Sans déconner, les militaires Turiens ont une blague sur moi? Ouais, c'est un soldat qui me l'a raconté sur Palaven. Alors pourquoi l'Alliance engage des pilotes avec des eaux de verre? Pour que ses marines aient une chance de vaincre quelqu'un aux entraînements. Oh, il faut la sortir à James, celle-là. Hé, hey, c'est quoi le plus difficile quand on veut soigner un Turien qui a pris une roquette d'un côté du visage? Trouver le côté qui a pris la roquette. C'était un extrait de Mass Effect 3 et vous avez entendu Garrus, interprété par Gilles Morvan, et Joker, le pilote du vaisseau Normandie, interprété par François Créton. Donc pour résumer rapidement, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément fait depuis le début de cette émission, l'histoire de Mass Effect, le commandant Shepard est un militaire qui doit faire face à la trahison d'un membre du Spectre, qui est une organisation, c'est le GIGN de l'univers, et notamment d'un certain Saren qui a trahi et qui travaille avec des guettes. Voilà, c'est le point de départ de cette saga et de cette franchise. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour donner envie aux gens de s'y essayer ? Mario. Les guettes, ce sont des synthétiques, des robots. On ne sait pas vraiment qui les envoie, en tout cas au début. On soupçonne une espèce qui s'appelle les moissonneurs, mais qui est censée avoir disparu depuis très très longtemps. Les guettes aussi n'étaient pas réapparues depuis très longtemps. Ils ont traversé le voile, si je ne me trompe pas. Donc il y a toute cette recherche aussi de d'où vient la menace. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi les moissonneurs, s'ils sont de retour, pourquoi sont-ils de retour en fait? J'ai peur en fait de trop en raconter. De trop divulguer, mais je sais, c'est pour ça que j'ai gardé vers la fin en me disant bon, comment on aborde le sujet. Mais ce qui est certain, c'est qu'en gros, ces moissonneurs, vous allez en entendre parler sur 3 épisodes et votre commandant Shepard va devoir tour à tour travailler avec une organisation pro-humain dans le 2. Et puis Cerberus avec l'homme trouble que vous allez beaucoup croiser jusqu'à la fin. Si jamais vous êtes amateur de la série Aux frontières du réel, X-Files, et que vous avez encore des images de cet homme à la cigarette, ou qui parle dans des bureaux où il n'y a pas de lumière. Voilà, et bien effectivement, vous avez peu ou prou l'homme de l'ombre chez Cerberus. Voilà, cet homme de l'ombre qui va nous suivre jusqu'à la fin. Donc voilà, je sais pas, les autres, s'il y a des choses à divulguer, sans trop divulguer, je ne sais pas. Ariane Gémon ? Je pense qu'on peut résumer ça de façon assez simple. On a un vaisseau spatial, on est dans l'espace, on a des potes extraterrestres, et on a des pouvoirs ou un très gros flingue pour aller tuer des robots ou d'autres extraterrestres. Franchement, je vois pas ce qui ne peut pas donner envie là-dedans. Note pour plus tard, téléphoner à Ariane Dumont avant de faire l'émission, elle résume super bien. Antoine Patrel. Je dirais que si vous êtes fan de SF, Mass Effect, ça va forcément vous plaire parce que ça va reprendre des choses que vous aimez déjà, mais sous un angle nouveau. Et raconté d'une manière nouvelle. Et vraiment, c'est très accessible, c'est très cinématographique aussi. Et voilà, je ne peux que recommander Mass Effect. Et est-ce que depuis que vous avez terminé ces jeux, vous avez découvert une autre franchise ou un autre jeu qui vous fasse vivre des sensations similaires ? Parce qu'il y a d'autres jeux depuis qui se sont essayés à la science-fiction. Le dernier en date, c'est aussi très critiqué Cyberpunk. Voilà. Est-ce que il y a un jeu dans lequel il y a aussi cette dimension à certains moments de choix. Est-ce que vous avez eu un jeu doudou pour vous remettre de Mass Effect ou non ? Il restera inoubliable. Il y a un vide dans ma vie, vraiment. Non, il y a Dragon Age quand même qui... Du même studio du coup, qui a un peu des points communs. Mais c'est vrai qu'en fait, il n'y a rien de comparable avec Mass Effect, tout simplement, je pense. Donc moi, c'est... Enfin, vraiment, j'attends, je pense, dans 10 ans, quand ils vont enfin sortir le prochain, je serai là. Marion Barry. Je pense qu'Ariane a complètement raison, il n'y a rien de comparable. Moi, ce que j'attends, c'est Starfield, qui est développé en ce moment par Bethesda. On a eu des présentations il y a quelques semaines par Microsoft Xbox, qui étaient incroyables. Ça joue aussi dans l'espace, c'est aussi de l'exploration, c'est aussi des gros flingues. En tout cas, j'ai l'impression. Donc, je ne sais pas s'il y aura autant de dimensions... un scénario aussi travaillé et autant de profondeur, mais il y a tellement de potentiel que je me dis que c'est peut-être Starfield qui sera le successeur. En attendant, dans 10 ans, le prochain Mass Effect. Antoine Patrel. En termes de space opéra, non, j'ai vu aucun autre jeu qui avait la même ambition narrative, et j'ai pas eu d'autres jeux où j'ai eu des persos aussi attachants et que j'ai envie de revoir, des persos avec qui j'ai envie de passer des heures de jeu encore et encore, quoi. Et c'est une des rares franchises qui a généré aussi très rapidement des produits dérivés, car l'univers est tellement vaste qu'il aurait tendance à appeler ça. Il y a eu des romans, il y a eu des comic books, il y a un film qui est une sorte d'arlésienne dont on parle. Et je ne sais pas qui il faut soudoyer pour que ça n'arrive jamais. Mais vraiment, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, vraiment. Ne faites pas un film de Mass Effect. Ça n'est pas une bonne idée. Ça sera forcément moins bien. Mais est-ce que vous avez lu des romans ou lu des comic books ou vous êtes resté sur le jeu principalement? Moi, j'avais lu un roman. Je crois qu'il y a une trilogie de romans qui a été scénarisée par le scénariste du jeu, qui s'appelle Drew. Voilà. Et donc, déjà, lui, quand il a créé l'univers, il avait vraiment déjà toute une base très très solide. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi bien. Et en tout cas, je crois que cette trilogie-là, on peut la conseiller, à mon avis. Mais voilà. Mais j'ai lu quelques comics aussi. Alors, on me dit dans le casque que Nicolas Demingue est toujours avec nous en ligne. Donc, j'aimerais lui laisser le mot de la fin. Parce qu'on a évidemment fait qu'effleurer la richesse de Mass Effect. Mais selon vous, quel est l'avenir de cette franchise? Est-ce qu'il y aura effectivement un nouveau Mass Effect ou est-ce qu'on est condamné à avoir que quelque chose de moins bien et qui n'est pas le nom de Mass Effect? Alors, déjà, vous parliez du film en espérant qu'ils n'allaient pas en faire un. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Non. C'est Amazon qui a racheté les droits de la série. Ils préparent une série pour dans les années à venir. On ne sait pas exactement quand, mais ça va être une série Amazon. Donc, j'espère qu'ils y mettront le budget, parce qu'on voit qu'ils ont mis de l'argent illimité dans Le Seigneur des Anneaux en ce moment. J'espère qu'ils auront autant de soins à apporter à Mass Effect, mais bon, voilà, ça va arriver en tout cas. Et ensuite, oui, ils préparent un nouveau Mass Effect qui a été annoncé avec un trailer qui sera en fait le vrai Mass Effect 4, en quelque sorte, qui sera pas directement dans la continuité d'Andromeda. Et donc, on ne sait pas encore trop quelle direction ça va prendre, mais on sait que ce sera plus dans la lignée de la trilogie, trilogie d'origine. C'est ça. Je pense qu'ils vont essayer un peu de raccrocher les wagons entre Andromeda et la trilogie. Ils ont des bons auteurs. C'est ça qui me rassure un peu, parce que souvent c'était un des points faibles d'Andromeda. Eh bien, merci Nicolas Demingue. Vous m'avez quand même apporté un petit peu d'espoir. Il y aura certes une série, mais il y aura surtout un Mass Effect 4 officiel. C'est la fin de cette émission. Merci Nicolas Demingue, merci Marion Barjaki, Ariane Dumont, Antoine Patrel. J'espère qu'on a donné envie aux auditeurs de s'essayer à Mass Effect. Je tiens aussi à remercier ceux sans qui je n'aurais pas pu remplir cette mission, mon équipe de mercenaires implacables. Cette émission est réalisée par Céline Hila, elle a été préparée par Manon Rax et Benjamin Ducy, avec l'aide de notre stagiaire, réalisation Benjamin Woodcock. Et aujourd'hui à la technique, Alexandre Chenet et Ludovic Asselot au mixage. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, comme les enfants qui nous ont appelés tout à l'heure. Et en plus, je peux venir au jardin avec de l'alimentation chanter. Il n'y a pas de problème pour la petite fille qui m'a demandé. Et on parlait sur le Twitter avec le hashtag BlockbusterEffie. Il y a deux marteaux à dévoreur ici. Et d'une belle taille. Si vous pouvez les activer, vous attirerez Calarus. Ça distraira le moissonneur. Et essayons de nous en tirer vivants. Ça nous fera une belle histoire à raconter. France Inter.